Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1976, sur France Culture, Jacques Doniol-Valcroz et Éric Rohmer racontaient dans quelles circonstances virent le jour les cahiers du cinéma et ce que furent leurs premières années. C'était dans Revue et corrigée, l'émission de Raphaël Sorin et Gérard Guégan. Gérard Guégan, Raphaël Sorin, avec la collaboration d'Alain Paulet, présente Revue et corrigée. Avril 1951. L'Allemagne est admise au Conseil de l'Europe. Les Chinois lancent une offensive en Corée. Samuel Fuller réalise Bayonnette au canon, Fritz Lang, L'Ange des Maudits, et Sacha Guitry, La Poison. Avril 1951, premier numéro des Cahiers du cinéma. Avec nous, ce soir, Jacques Doniol-Valcroz. J'avais la responsabilité, moi, des cahiers administratifs, financiers, puis ce monsieur Cagel est mort ensuite, je suis devenu le responsable, et moi j'ai toujours conçu mon rôle au cahier plus comme un rôle de rassembleur, de cristallisateur des différentes tendances. Je pensais que mon rôle c'était de faire que les cahiers existent, et non pas de leur imposer une tendance plus qu'une autre, à partir du moment où de toute façon c'était à l'intérieur d'une espèce de globalité qui était de faire une bonne revue sur le bon cinéma. Éric Rohmer. Je dois vous dire une chose, c'est que je n'ai pas écrit tout de suite sous mon nom, mais je ne tiens pas à vous dire quel nom à vous-même de le trouver. Et je connaissais d'ailleurs de longue date Bazin de Doniol-Valcroz. Ciné-club à la revue. Jacques Doniol-Valcroz. Je crois qu'on ne peut pas, quand on parle de la fondation des cahiers, on ne peut pas partir comme ça en 51. Je crois qu'il faut établir une espèce de filiation historique et que, malheureusement, il faut remonter jusqu'en 1928 où était parue la première revue du cinéma. En fait, dans les deux premiers numéros, qui a été fondé par Jean-Georges Auriol. Je crois que il faut citer Jean-Georges Auriol comme vraiment l'inventeur de la formule d'une revue de cinéma, s'intéressant au cinéma comme un art. Bon. Et donc, il faut remonter à 1928 et les deux premiers numéros de la revue du cinéma, qui s'appelait d'ailleurs les deux premiers numéros du cinéma simplement, avaient paru chez Corti, qui était un petit éditeur d'ailleurs qui existe toujours. Et au bout de deux numéros, ils sont passés à la NRF chez Gallimard et a pris le titre de Revue du cinéma et a duré jusqu'en 31. Et puis en 31, elle est morte économiquement parce que c'est une revue assez luxueuse et ça ne rapportait pas, les gens ne l'achetaient pas. Il y a donc un trou jusqu'à l'après-guerre et après-guerre, Jean-Jean Auriol a voulu donner une suite à sa revue et a donc fondé à l'NRF de nouveau. Gaston Gallimard a accepté de faire reparaître la revue du cinéma. Il y a donc eu une nouvelle série qui a duré de 46 à 49. Il ne s'est pas rien passé non plus entre la disparition de la revue et l'apparition des cahiers. Il s'est passé tout de même qu'il y avait un espèce de mouvement de critiques où vous retrouvez en effet des gens comme Astruc, comme Claude Mauriac, comme Cast, comme Bazin et comme même des critiques comme Chalet, qui, à l'époque, on ne savait pas très bien de quel côté ils allaient tourner, quel genre de cinéma ils allaient soutenir. Et ce groupe, déjà, ça c'est déjà une caractéristique qui va être celle des Cahiers, a commencé à avoir des liens très étroits avec un certain nombre de metteurs en scène, qui étaient Lénard, qui étaient Cocteau, qui étaient Becker, qui étaient des gens comme ça qu'on s'est mis peu à peu à bien connaître, qui, tout naturellement, je veux dire, étaient assez fascinés par le fait que tout d'un coup, une école, entre guillemets, critique, comme ça, s'intéressait aux metteurs en scène d'une façon qui était peu courante avant dans la critique. Et il est donc né autour de cette façon de penser d'abord un ciné-club qui s'appelait Objectif 49 et qui avait comme président d'honneur Cocteau, Lénard et Grémillon, je crois, et qui était très différent des ciné-clubs de l'époque dans la mesure où il projetait des films modernes, contemporains, inédits même. Donc c'est de ce ciné-club Objectif 49 qui est né, puisque la revue était morte, l'idée de faire une autre revue. Alors il y a eu un an, un et demi, près de deux ans, comme ça, de négociations. On a essayé, on a d'abord voulu faire une revue dans Lénard, aurait été le directeur, puis ça n'a pas abouti. Et pendant très longtemps, que ça passe un mois, on a pris notre bâton de pèlerin et on a été de maison d'édition pour essayer de trouver un éditeur qui voudrait bien faire une revue de cinéma. Et la seule maison d'édition où on a failli aboutir, c'était Le Seuil. Finalement, c'est pour des raisons financières. Le drame, c'était que, malgré tout, un éditeur qui, même comme Le Seuil, qui était déjà un éditeur important, il y avait toujours un moment où il téléphonait à la NRF, à Raymond Gallimard, le directeur commercial de la NRF, qui est mort depuis, et qui disait, mais dites donc, comment ça marchait, cette revue chez vous, etc. Et où on lui répondait, c'était catastrophique, ce qui était vrai. Et il s'est trouvé, par hasard, qu'il y avait un monsieur, qui s'appelait Monsieur Kegel, qui dirigeait un circuit de salles à Paris, qui s'appelle le circuit d'Ismage, et qui avait un fils qui est d'ailleurs devenu metteur en scène de cinéma par la suite, et qui s'intéressait, comme ça, c'est très inattendu, à ces jeunes critiques ou futurs cinéastes, et qui, comme il était un homme d'affaires, avisé, on lui avait demandé d'être bénévolement le trésorier d'Objectif 49. Donc il gérait nos petites finances, comme ça, pour nous rendre service. Et c'est lui qui, un jour, connaissant nos projets, m'a dit, mais on pourrait essayer de faire une revue de cinéma, j'ai quelques fonds, on peut essayer de partir comme ça. Bon, et nous on a été assez méfiants au début, parce que c'était pas du tout un éditeur, c'était pas du tout, c'était entre guillemets un commerçant. Et on avait, cela dit, il programmait très bien son circuit avec des films déjà comme ça. Et on est parti comme ça avec lui, très très modestement, parce qu'il était très serré sur le plan en finance, il était très dur sur ce plan-là, mais c'était un homme tout à fait intéressant et remarquable, venant tout à fait d'autre chose, enfin. Et c'est comme ça qu'on a fondé une petite maison d'édition qui s'appelle l'édition de l'Étoile, qui existe toujours, qui n'a eu comme seul objet dans la vie que de publier les Cahiers du cinéma, et c'est comme ça qu'on est parti. Les deux camps. Si vous voulez, au début, il n'y avait pas de camp, il n'y avait pas de courant, c'était très éclectique, et les camps ne se sont dessinés qu'un peu plus tard. Éric Rohmer. Il y avait, si vous voulez, si on peut dire au centre ou au sommet, si vous préférez, il y avait la figure de Bazin, qui était une sorte de médiateur et qui était le maître à penser de tout le monde. Et par affinité, on pouvait considérer deux groupes. D'une part, le groupe initial avec Doniol, Cast et un certain nombre de leurs amis. Et puis, une autre tendance, qui étaient les gens qui avaient collaboré à un journal que j'avais fondé et qui s'appelait La Gazette du Cinéma, fin 1950, début 1951, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts. Et à cette revue du cinéma avaient collaboré Rivette, Godard, qui est d'ailleurs signé sous le pseudonyme Hans Lucas, ce qui veut dire simplement Jean-Luc. Truffaut aussi, bien que je crois, il n'ait pas écrit d'article dans la Gazette du cinéma même. Mais je crois qu'il aurait écrit si la Gazette avait continué à paraître. Et cette gazette, d'ailleurs, n'a publié que 5 numéros en tout et pour tout. André Brazin appelait notre groupe le groupe des Hitchcockoxiens, pour dire que nos maîtres étaient Hitchcock et Howard Hawks, cinéaste américain. Nous avions d'autres maîtres, mais communs avec Bazin. Par exemple, nous aimions beaucoup Jean Renoir, Bazin aussi. Mais enfin, pour nous distinguer de lui, c'est ça, Bazin ne considérait que Hitchcock et Hawks. Ce que nous aimerions dans le cinéma américain, c'était beaucoup de choses. Mais enfin, c'était plutôt ce que nous appelions à ce moment-là, d'une façon un peu vague, d'ailleurs qui est difficile à définir, son efficacité. C'est-à-dire, c'est un cinéma qui ne se perdait pas dans le joli, dans l'enjolivure, un peu trop comme le cinéma français. C'était pas un cinéma d'esthète. C'est un cinéma qui voulait frapper le public, qui voulait dire ce qu'il avait à dire, qui le disait simplement, carrément. C'était un cinéma qui montrait l'homme à l'action et qui pourtant n'était pas pour autant dénué de finesse psychologique, bien au contraire. C'était un cinéma qui ne faisait pas de rhétorique, mais qui pourtant avait un dialogue qui était toujours très pur, très bien écrit, très percutant. Voilà ce que nous admirions dans le cinéma américain. Il y avait beaucoup de choses en commun, si vous voulez. Par exemple, si vous prenez un groupe, Bazin et moi, qui étions à cette époque-là critiques en commun à l'Observateur, et d'autre part des gens comme Astruc, il y avait beaucoup de choses en commun, qui était le goût du cinéma d'auteur, qui était le goût de considérer le cinéma d'une certaine façon, et les théories d'Astruc sur caméra stylo, on était tout à fait d'accord sur ce genre de choses. Mais Si on prend un peu les deux camps, si vous voulez, Bazin et moi, on était plutôt pour la tentative d'établir une méthode de critique objective du cinéma et dépassionnée, je veux dire, en se disant que le problème n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer un film, le problème est de savoir ce qu'il représentait et quelle valeur intrinsèque et propre il avait et quel rôle il jouait dans l'évolution d'un langage. Donc on était plus objectif et plus prêt à soutenir et à analyser et à faire connaître même des films qui, subjectivement, pouvaient ne pas nous captiver. Tandis que il y avait une autre tendance comme Astruc, et puis ensuite ça a été celle des jeunes qui sont arrivés comme Truffaut, Godard, Chabrol et Rivette, qui était d'être beaucoup plus de parti pris volontairement et de, si vous voulez, de faire beaucoup plus ce qu'ils appelaient une critique de combat. Les Cahiers du cinéma à cette époque, c'est tout le contraire de ce qu'on appelle maintenant un collectif. C'est une revue où les styles étaient extrêmement différents, où les personnalités s'affirmaient déjà. Et d'ailleurs, en fin de compte, maintenant, nos personnalités sont tellement différentes que les films de Godard, ceux de Rivette, Truffaut, Chabrol, etc., ne se ressemblent pas le moins du monde. Nous avons tous divergé dans des voies qui sont entièrement opposées. Et alors, je crois que c'est ça qui fait l'intérêt des Cahiers du cinéma. Et quand on lit une revue maintenant, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une unité de pensée qui, en fin de compte, paralyse l'expression personnelle. Enfin, tous les gens pensent de la même façon. Et surtout, tous les gens ont la même admiration. Tous les gens ont lu le même bouquin, tous les gens citent le même monsieur. Tandis que nous, lorsque nous faisions des allusions, si vous voulez, à la littérature ou à l'art, eh bien, nos citations étaient tout à fait différentes. Et nous ne parlions pas des idées, des théories qui étaient à la mode, nous ignorions absolument ce qui se passait à la Sorbonne, mais nous avions nous-mêmes découvert, comme ça, au gré de nos flâneries, des choses, films ou autre chose qui nous intéressaient, et dont nous aimions parler. Et si nous avions un peu de pédantisme, notre pédantisme n'était pas exactement comme le pédantisme actuel. Je crois qu'il avait quand même le mérite d'une certaine naïveté et d'une certaine personnalité. Mettre en scène. Oui, nous avions commencé par faire des films avant d'écrire. Nos premiers films amateurs remontent aux années 49-50. Nous, quand je dis nous, je veux parler de mes propres films, de ceux de Rivette, et d'une certaine façon de Godard, qui n'avait peut-être pas réalisé encore de films sous son nom, mais qui avait collaboré à mes films et à ceux de Rivette. Et Truffaut également, je sais, à ce moment-là, voulait faire des films, avait écrit des scénarios et avait aussi été un de mes collaborateurs. Par conséquent, nous avons été des cinéastes, mais ne pouvant pas trouver d'argent, n'ayant pas les moyens de réaliser ce que nous voulions, eh bien, nous avons pensé que la meilleure arme était la critique. Et d'ailleurs, je crois que c'est le cas de tous les gens qui ont collaboré au Cahier du cinéma, à l'exception peut-être de Bazin, qui a toujours voulu rester critique, bien qu'il ait eu un certain moment l'intention de faire des films documentaires. J'avais essayé d'entrer dans le circuit du cinéma comme assistant, et puis vraiment à quelques mois près, Auriol m'a demandé de venir travailler avec lui. 8 jours après, on m'a fait une place d'assistant. C'était trop tard, je l'ai pas prise. Donc j'aurais pu, si vous voulez, faire une... Je le regrette pas du tout, parce que je pense que les garçons qui, après-guerre, sont devenus, ont pris la filière normale du cinéma à cette époque, était de devenir troisième assistant, deuxième, premier, et puis attendre 10 ans avant de faire un petit film dans le circuit commercial. Je pense qu'ils ont eu beaucoup moins de chance, quoi qu'ils aient commencé plus tôt, et ils ne sont pas devenus les metteurs en scène plus ou moins importants. Et c'était une très bonne école, une très bonne formation, de passer d'abord par la critique, par un contexte complètement différent. Alors même s'il y a un déchet énorme dans les cinéastes nés avec la nouvelle vague, tout de même, c'était une bonne école, dans la mesure où tout de même ça a révélé un certain nombre de cinéastes. L'héritage. Jacques Doniol-Valcroze. Il y a eu une date importante dans les cahiers. C'est le numéro, je crois que c'est en 54, où il y a eu l'article de Truffaut qui s'appelait « Une certaine tendance du cinéma français ». Et c'est un numéro, j'avais marqué ça, oui, qui était en numéro 31 de janvier 54. Bon, il y a deux dates comme ça importantes, et celle de la mort de Bazin en 58. Quand Truffaut nous a proposé cet article à André, à Bazin et à moi, on a beaucoup, beaucoup hésité. Parce que je l'ai relu l'autre jour à cause de votre émission, et il m'est apparu important. Certes, mais enfin, je me suis demandé pourquoi on avait tellement hésité à le publier. Parce que probablement, il y avait des tabous, se jeter à l'assaut des bastions, Ranger Bost, de la noix, des gens de l'époque, ça paraissait peut-être un peu... on hésitait. Je crois qu'on n'avait pas tort, d'ailleurs. Parce que si vous regardez ce qui est devenu un certain cinéma aujourd'hui... il ressemble à certains films de cette époque. Ceux-là même qui ont attaqué une certaine tendance, d'une autre façon, parce que rien ne se ressemble jamais, représentent aujourd'hui aussi une certaine tendance, ce qu'on appelle de la qualité du cinéma français. Éric Rohmer. Dans mon propre cas, puisque je ne peux pas répondre dans le cas des autres, je ne pense pas que mes films soient moins ambitieux que le cinéma que je prenais. Je ne pense pas être en retrait, je ne pense pas avoir fait des concessions. Même si je portais un jugement, ce jugement, je n'ai pas le recul suffisant. Non, je pense que c'est un reproche facile à faire. Et que de toute façon, on peut toujours reprocher à quelqu'un, à mesure qu'il avance en âge, d'être moins jeune qu'il n'était au début. Mais peut-être qu'il est certain que les films de quelqu'un qui travaille depuis 10 et 20 ans n'ont pas ce côté agressif de la jeunesse. Mais enfin, ils ont peut-être d'autres qualités. Et d'autre part, je pense que certaines choses qui étaient à la mode en 1960, comme une certaine désinvolture, une certaine recherche du pittoresque, de petites vérités quotidiennes, ces choses-là, maintenant, sont complètement débaudées et sont insupportables, et qu'au contraire, un cinéma qui est, disons, plus élaboré, est peut-être maintenant plus à la mode de 1975. Et que l'évolution que certains d'entre nous suivent, moi compris, puisque maintenant je fais des films historiques, des films d'époque, et qui tournent le dos à un certain réalisme, eh bien, en fin de compte, est dans le bon sens. On a hésité aussi, André et moi, parce que même si ça fait sourire et même beaucoup rire beaucoup de gens, André et moi, on se concevait en tout cas comme des hommes de gauche. Bon, et il y avait dans cette tendance quelque chose d'involontairement réactionnaire, je veux dire, parce que le cinéma de cette époque, de gens comme Yves Allégret, comme ça, il avait des buts de gauche, même naïfs, d'attaquer certaines choses, d'étudier une certaine réalité sociale, etc. Et au fond, la défense d'un certain cinéma américain de l'époque, reprochait au film d'Yves Allégret d'attaquer la religion, c'était une position pas du tout de gauche. Donc cet article était très important sur un certain plan parce que il dénonçait un certain conformisme, une certaine façon de faire le cinéma et tout. Mais sur le plan des idées, il n'était pas tellement juste. Il faut quand François Truffaut entendra ça, il hurlera. Mais peu importe, je veux dire, peu importe, parce que à partir de cet article, il faut être honnête, ça a assuré le succès des Cahiers. Avant l'apparition de cet article et la polémique qui s'est développée, bon, et le fait qu'à partir de ce moment-là, les Cahiers ont passé pour être une revue de combat et ont eu des ennemis et des partisans et des adversaires, ça a assuré le succès des Cahiers. À partir de ce moment-là, il s'est fait plusieurs camps comme ça, et le tirage est monté, et c'est devenu beaucoup plus important. Donc là, Truffaut a rendu un immense service aux Cahiers, et je pense très sincèrement que les gens qui ont assuré le succès des Cahiers, c'est Truffaut, Rivette, Godard et Chabrol. C'est très difficile de savoir ce qui est le plus important, si c'est la critique, la théorie, ou bien la pratique. Mais, en tout cas, je crois que les Cahiers ont marqué toute une génération de cinéphiles, de critiques, non seulement en France, mais à l'étranger. Il faut peut-être dissocier d'ailleurs le cas de Bazin et les Cahiers. Je pense que l'influence de Bazin a été quelque chose de beaucoup plus important que l'influence de la Nouvelle Vague. Bon, en ce qui nous concerne, nous, qui à la fois avons écrit sur le cinéma, avons fait des films, eh bien, je pourrais dire qu'il est encore trop tôt, que l'avenir le jugera. On verra si en fin de compte, ce qui est le plus important, c'est ce que nous avons écrit, ou si c'est ce que nous avons fait. C'était Revue et corrigée. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 26 février 1976. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.